Bonjour. Ça va ? Toujours aussi déter. Toujours aussi déter, on est là. Bonjour. Une béquille chacune et vous c'est êtes ça. Là. C'est ça. On lâche rien, comme je l'ai dit la dernière fois. Ouais. Jusqu'au bout, on lâchera rien. On sera là autant que nécessaire. Si ça doit durer encore des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, on lâchera rien jusqu'à ce que nos revendications soient entendues et qu'on obtienne ce qu'on demande depuis le début du mouvement Gilets jaunes. Ça fait déjà 19 mois que vous tenez. Oui, 19 mois. 19 mois. C'est pas rien. Non, c'est pas rien parce qu'on prive nos familles d'être avec eux. On se prive de tout, quoi. Exprès pour un gouvernement de merde. Votre prénom, c'est quoi ? Sandra ! Vous me rappelez le vôtre ? Myriam. Merci à toutes les deux. Mais de rien ! Bonne manif. Merci ! Juste, il y a une chose par rapport en ce moment aux divergences au niveau des Gilets jaunes. Parce qu'en ce moment, on voit sur les lives et tout ça qui sont mis en place, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la pièce de théâtre qui va être mise en place au mois de juin avec Bigard et des Gilets jaunes. En ce moment, on voit les Gilets jaunes se diviser et se prendre la tête par rapport à ça. J'aurais juste voulu passer un message, c'est arrêtons de se prendre la tête avec des choses qui ne sont pas pour aujourd'hui et concentrons-nous sur demain et voyons ce qu'on fait concrètement demain, parce qu'il ne faut pas oublier que là, c'est au jour d'aujourd'hui, il y en a qui sont en train de crever, et au lieu de se prendre la tête et de passer des jours et des heures à se diviser et à se prendre la tête pour quelque chose qui va avoir lieu en juin, concentrons-nous sur les prochains jours et les prochaines semaines et savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait demain. Ça n'avance pas. Il va falloir avoir des choses concrètes à mettre en place pour que le mouvement il évolue et pour que les choses elles bougent. Concrètement, on fait quoi demain pour que les choses elles bougent ? Voilà. Ça a été fait dans le dos des Gilets jaunes et du coup ça a été appris récemment et du coup il y en a beaucoup qui se foutent la gueule parce qu'apparemment ce sera un projet de théâtre dans une grande salle à Paris et aussi à Las Vegas et tout ça. Enfin, il y a une tournée a priori qui se prépare et les places seraient alors gratuit pour les Gilets jaunes qui peuvent justifier qu'ils n'ont pas les moyens de payer la place. 10 euros pour les Gilets jaunes qui peuvent prouver qu'ils sont Gilets jaunes en montrant des photos de manifs ou des choses comme ça auxquelles ils ont participé. Et 25 euros pour les autres. Ah oui, voilà. D'accord. C'est le capitalisme dans la C'est victoire. Ça, c'est ça. Et on nous dit qu'a priori, l'argent récolté servirait simplement à financer le prix de la location de la salle et les costumes. Or, au jour d'aujourd'hui, en faisant les calculs de ce que ça va rapporter avec les entrées, le prix des entrées et tout, ce sera beaucoup plus élevé que l'argent qu'eux vont dépenser dans la location de la salle et les costumes. Donc on se demande à qui va aller cet argent. Si c'est pour payer des célébrités qui en ont déjà trop, c'est pas la peine. Si c'est pour payer des gens qui n'ont pas besoin d'argent, on n'est pas là en tant que Gilets jaunes, on crève déjà la dalle, on est dans les mobilisations tous les jours, on se délaisse nos familles, on sacrifie nos vies privées, nos vies familiales pour être là parce qu'on en a marre de ne pas pouvoir remplir nos frigos, de ne pas pouvoir payer nos factures. Il y a plein de Gilets jaunes qui sont sur le mouvement, qui sont dans les mobilisations, qui sont en mesure d'expulsion, qui sont à deux doigts de se retrouver à la rue. Il faut savoir que la trêve hivernale c'est au mois de mars et qu'au mois de mars il y a des familles entières qui vont se retrouver à la rue. Donc cette situation-là, elle est plus possible et tolérer qu'on puisse dire qu'on va faire une pièce de théâtre sur le malheur des gens qui sont en train de se battre pour pouvoir vivre dignement, quelque part, c'est honteux de mettre ça en place. On aurait pu dire, voilà, on fait une pièce de théâtre, on monte ça, mais une fois qu'on a eu la victoire, une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait et que le gouvernement aura cédé. Mais là, il y a des gens qui se font mutiler toutes les semaines, il y a des gens qui perdent la vie, comme Cédric Chouviat, il y a des gens qui se font assassiner, il y a des gens qui se font mutiler, qui sont... Voilà, comment on peut dire on va monter une pièce de théâtre et on va faire d'un théâtre le malheur de ces personnes-là, quoi. Comment on peut mettre en scène des gens qui ont perdu leurs cieux, qui ont perdu leurs mains, qui se sont fait incarcérer. Il y a des gens qui dorment en prison au jour d'aujourd'hui. Il y a des pères de famille qui dorment en prison, qui n'ont pas leurs enfants, qui n'ont pas leurs femmes. Comment on peut tolérer de dire qu'on va mettre en scène ces gens-là alors qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait plus se mobiliser pour savoir comment on fait pour récolter des fonds pour aider ces gens-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on les aide trop peu. Et ces gens-là, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Donc c'est plus pour eux qu'on doit être là et pas pour monter une pièce de théâtre. Voilà, donc après, chacun ses avis, on peut ne pas être d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord peuvent ne pas y aller, mais moi, pour mon avis personnel, en tant que Gilet jaune mobilisé depuis le 17 novembre 2018, je trouve ça juste honteux, quoi. Voilà. Merci à toi. De rien.